Bon, eh bien, sur Énergie, excusez-moi, nous avons un petit souci avec Paulette. Nous avons une grosse discussion sur le thé. Ouais. Oula, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Je te jure que t'as tort. On est vraiment jeunes et frais, vraiment. On va s'écouter Maître Gims, le dernier. Il y aura aussi Bad Wolves qui arrive avant 8h du matin. Je vous rappelle qu'à 8h05, attention, l'un ou l'une d'entre vous va avoir son salaire multiplié par 10. C'est le salaire impossible. C'est à l'occasion de la sortie du film Mission Impossible Fallout. Ça sort le 1er août. Nous réalisons le salaire impossible. Ouais. 10 fois votre salaire. C'est la folie. C'est tout à l'heure à 8h05. Avant ça, nous allons accueillir Eva. Bonjour Eva. Bonjour Manu. Bonjour les Wawa. Salut. Bienvenue sur Énergie Eva. Attention, on parle de cadeaux. Nous en avons un beau pour toi. La console de jeux vidéo de ton choix. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La PS4. La PS4 Pro, elle va arriver pour toi Eva. C'est la toute dernière PS4. Et on va rajouter l'écran télé qui va avec. Si tu gagnes au jeu les 5 mots. Attention. Oui. Pour t'aider aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc je pense que c'est bien. On vient de le faire aujourd'hui, c'est Nico du Web qui va sortir. Ah, je suis chaud. Attention. Nico du Web sort de la salle. On attend qu'il sorte bien de la salle pour commencer. Pas de triche. Attention, c'est bon. Il est sorti de la salle, Eva, il n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, Nico revient. Je fais exactement pareil avec lui. Et dès que vous avez un mot en commun, eh ben, c'est gagné. D'accord. Prête, Eva ? Allez, prête. C'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Boule. Œuf. Statistiques. Chiffres. Billets. Aéro, avion. Hausse. Hausse. Hausse. Corps. Joyeux. Content. Ah ouais. Os, en fait, j'aurais dû dire squelette. Non, en fait, c'était os, c'était pas os, mais t'as compris os. Oui, mais c'est pas grave. Et on peut dire un os. Ouais, bah oui. Bien sûr, évidemment, absolument. Attention, Nico du Web est retour. Attention. Ça a été la pression. Ça a été pas mal. Ouais, Eva était pas mal. Elle était pas mal. Ok, cool, il peut se passer un truc. Vas-y. Pour une PS4 Pro et l'écran télé qui va avec pour Eva, c'est parti. Nico est de retour. On joue au jeu des 5 mois. Il suffit d'un mot en commun pour gagner. Boule. Pétanque. Eva avait dit œuf. Eh oui. Ouais, je sais. Ouais. Eva est bizarre. Ok, Eva. Ouais. Ah, j'avais entendu poule. Ah. C'est pour ça. Alors du coup, effectivement, poule, œuf, ça se tient. Ah bah oui, c'est plus logique du coup. Ouais. Mais effectivement, j'avais dit boule. D'accord. C'est attends, on voit. Pas de panique, il reste 4 mots. Vas-y. Le problème, c'est que si t'as compris aucun des 4 mots suivants, t'as dit ouais. Continuons. Statistique. Chiffre. Oui. Alors là, elle avait compris statistique. C'est pas. Alors franchement, bravo. Ah cool. Statistique, chiffres. C'est notre domaine avec Eva, quoi. Les chiffres. Ouais, je suis trop contente. Merci. Bah, tu peux être trop contente. Il restait 3 mots. Billet. Banque. Elle avait dit avion. Ouais. Y a pas de mal. Des petits soucis en ce moment au niveau de la thune. Ça va. Hausse. Corps. Ah oui, non, vent. Ah les gars. Tu vois, j'étais tellement sûr que c'est incroyable. Ouais. Non mais c'est sur la ligne parce qu'elle avait compris. Moi, pour moi, c'était hausse HAU2SE en fait. Une hausse de prix, toi. Oula, oui, d'accord. Okay. Je pensais à hausse à moelle au départ. Je pensais que t'allais me donner sur la bouffe. Donc. mais c'est fou. Mais vous êtes connectés. Ah, c'est impressionnant. Ouais, un truc. Et le dernier, joyeux, heureux. Ah non, presque content. Ouais. C'est pas loin. C'est fou. Ouais. On est bon. On est bon. Eva, bravo à toi. Tu repars avec la PS4 Pro et l'écran télé qui va avec. Merci Manu, merci toute l'équipe, joyeux anniversaire encore. Merci à toi Eva, belle journée à toi. 7h46, le jeu des 5 mots, il reviendra demain évidemment à la même heure. On va s'écouter Maître Gims et juste après les amis, on est mercredi, c'est le jour des enfants. Oui. Et on fait ça à chaque fois qu'on part pendant une semaine, soit en hiver, soit en été. Vous allez pouvoir nous appeler maintenant si vous avez moins de 12 ans, le standard vous est réservé. Dites-nous ce que vous avez envie qu'on fasse à la plage cet après-midi. Ça peut être vraiment le truc le plus nul du monde, uniquement pour qu'on vous fasse rire. Soyez sympa. On peut s'enterrer dans le sable, on peut faire plein de choses. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse? Vous nous le dites, on récupère tout et on fait un Facebook Live, on fera demain après-midi. Ok. Ok. Ouais. 0870 42 48. Il y a. Vous savez quoi? Il y a tout. Allez, prenez tout. Vous nous appelez. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur l'application Manu dans le 69 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 69. Et on fera une petite sélection et on est obligé de le faire. Allez-y, allez. Ok? On se fait ça dans 3 minutes. Juste après Maître Gims, le nouveau sur Énergie, c'est Corazon. 7h47. On est avec vous comme chaque matin pour démarrer la journée. C'est Manu dans le 69, c'est Énergie. Bon réveil. Merci d'être là. Apparaître dans les flammes, je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi, impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh oh. Tous les hommes, et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends 2 minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh oh. Comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, Corazon. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Corazon. Dis-moi où est-ce que tu vas, dans le nom de ton papa, Corazon. Corazon, Corazon. Sur Énergie, il est 7h50. Attention, dans 15 minutes, l'un ou l'une d'entre vous qui s'est inscrit sur énergie.fr, manudans69.com ou l'application manudans69 va avoir son salaire multiplié par 10. Ah. Vous pouvez encore vous inscrire. Ouais. Le tirage au sort va avoir lieu vraiment, mais quelques instants avant qu'on appelle la personne. Ouais. Vous allez avoir notre huissier de justice, Maître Emery. Mmh. Nous sommes au Gros du Roi en direct. On va l'avoir. Lui, il est dans le studio à Paris. Mmh. Du coup, on ne le verra pas, son corps si sexy. C'est un huissier. Oui, c'est un huissier, mais attends, tu sais, les huissiers, ils sont comme nous, à un moment, ils boivent 2 verres et ça part en sucette. Hein. Les huissiers au mariage, c'est eux qui ont la cravate sur la tête. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, le tirage au sort aura lieu dans un peu moins de 10 minutes. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Énergie.fr, manudans69.com ou l'application manudans69. Avant ça, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Je vous ai demandé de nous appeler au 0870 42 48 ou nous envoyer des messages aussi sur Twitter ou sur l'application manudans69 aussi, il y a le chat, pour nous dire ce que vous avez envie qu'on fasse à la plage. On ouais. peut faire ce que vous avez envie et on fera un Facebook Live demain à 18h. Ok. Oui. Ouais. Ok. Ok. C'est parti, on peut pas dire non. Hein. Ouais. Ok. On a Léa, bonjour Léa. Coucou Manu, coucou les mamans, joyeux anniversaire Nico. Oui. Merci Léa. Ça va Léa, t'es à 2000%. Qu'est-ce que t'as envie? Qu'est-ce que t'as envie de nous voir faire demain en Facebook Live sur la plage? Alors, Glandy doit s'enduire d'huile de bronzage et ensuite se rouler dans le sable. Très bonne idée. Oh Léa. Très bonne idée. Bah non, mais applaudissez pas. c'est rigolo. D'accord, Léa, ouais, c'est rigolo. Ça, c'est bien désagréable. Comme une escalope panée, quoi. Exactement. Un cordon bleu, quoi. D'accord. Léa, glandu s'enduira d'huile de bronzage et se roulera dans le sable. Ok. Ouais. Attention, j'ai un message de Théo qui dit: vous devez tous vous renverser un seau d'eau sur la tête, chacun votre tour. Ah bon? Ok. C'est facile. D'accord, ça va. C'est rigolo. Charlotte, bonjour. Bonjour Nani et bonjour les Wouin. Bonjour à toi Charlotte, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Et tu sais quoi? Nous sommes des marionnettes dans ta main, Charlotte. Que veux-tu qu'on fasse demain en direct en Facebook Live sur la plage? Faire une course sur le sable avec des palmes. Ah oui. Oh non. Ah si, c'est drôle ça. J'ai bien compris. Faire une course sur le sable avec des palmes. Ouais, c'est ça. C'est rigolo. Mais est-ce qu'on peut courir avec des palmes? Ben non. Non, on peut se blesser, je crois. Ouais. Ça va être bien. Combien de mètres, Charlotte, on doit courir? 10. 10, ça va. 10 mètres. Oh, ça va, c'est cool. Parce que tu nous aurais dit, vous faites 2 km, franchement, là. Chiant. Ok, ça marche. Une course de 10 mètres en palme sur la plage. Et en avançant, hein, pas en arrière. Parce que si tu triches, tu te mets en arrière. Ah, ben oui, c'est très facile. En avançant, ouais, obligé. En avançant. Charlotte, on le fera demain, Facebook Live à 18h, nous serons sur la plage. Il y a Alice qui nous demande sur Twitter: Nico doit être enterré dans le sable et sortir tout seul. Ah génial, ça, très bien. Drôle. Pas trop profond les gars. Mais je sais pas si on peut sortir tout seul quand on est en. Je crois que c'est chaud. Hein. Si on tasse bien le sable et tout, on va faire il en sorte. Il faut secouer, il faut avoir qu'il... des muscles. Il faut être un peu musclé quoi. Oh, tu sais quoi, on va t'enterrer complètement, on te mettra une paille dans la bouche qui te permettra de respirer comme dans les films. Okay. C'est dangereux, c'est Manu. C'est con de décéder avant la fin de l'année. Non, c'est pas dangereux, tu peux respirer avec la paille. Bien sûr. Sûr, non. Ouais. On te le dira après, on verra. Eh oui, bien sûr. Encore, il y en a pour Glandu. Encore? Oui, bah c'est ton festival. Ouais. Les enfants t'aiment bien. Il y a Steve qui dit: Glandu doit nager tout nu. Oh, oh. Comment ça, ça c'est bien ça. Comment ça nager ça, tout c'est nu? Rigolo. Ouais. Comment ça nager tout nu? Bah on sera dans l'eau, dans la mer, dans le. Non mais tu peux aller au large pour pas qu'on te voit. Ah, j'enlève mon maillot d'une fois dans l'eau. T'enlèves ton maillot, tu le jettes, on le récupère. Et tu nages tout nu. Ah, il te rentre à jamais. Tu me le rends, si tu me le rends, je le fais. Oui, on te le rend, bah, bien sûr. Non, attends, non, tu me promets, je les connais. Si tu me promets, on sera en Facebook Live demain à 18h, on le fait. Ouais, okay. Tu me le donnes. On est sur le côté de la plage, hein, sur le bord de la mer. Toi, t'es dans la mer. Et on se casse. Ouais, on verra, okay. On verra. Ouais. Isaiah, bonjour. Bonjour. Coucou Manu, coucou les mamans. Coucou Isaiah. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que tu veux nous voir faire demain en Facebook Live à 18h sur la plage? Monter à 4 sur une planche de surf et essayer de prendre une vague. Ah, c'est drôle. Mais déjà, seul sur une planche de surf, on va pas réussir. Oui. Ah ouais. Mais non. Et surtout, on l'avait prévenu qu'il n'y avait pas de vague. Il n'y a pas ici la vague. Il n'y a pas de vague ici? Non, on peut mais déjà monter à 4 sur une planche, c'est debout. Chaud. C'est impossible. Ah, c'est drôle. Ah, si, ok, Isaiah, on va essayer. On prendra une planche de surf, on la mettra dans l'eau et on essaiera de tenir à 5, déjà assis. Ouais. Et ensuite de monter les uns à la suite des autres. Ok, c'est bon ça. Ok. Ouais, ça se fait. Et ensuite, Glandu soit poil. Ok, Isaiah, Charlotte, Léa, Steve, Alice, Théo. Je vous rappelle ce que demain nous ferons en Facebook Live. Yes. Ok, Glandu doit s'enduire d'huile de bronzage et se rouler dans le sable. On fera une course sur le sable avec les palmes aux pieds. On montera à 5 sur une planche de surf. On essaiera de prendre une vague qui n'existe pas. On se renversera tous un solo sur la tête. Nico sera enterré dans le sable, sortira tout seul ou décédera. Et enfin, Glandu nagera tout nu dans la mer. Ok. Rendez-vous demain, les amis, à 18h. Ok. Franchement, c'est jouable. Hein. Ouais. On peut laisser Glandu seul dans la mer à poil avec un Facebook Live qui tourne. Que ça peut faire rire à mi-tu me le rends, tu m'as juré que tu me le rends. Ah ben, ça peut faire ma semaine. Génial. J'essaierai de te rendre ton maillot, mais il faut savoir que j'ai moins de force que Manu. Donc, non, mais tu pourras pas le rendre, on le mettra très très loin. Rendez-vous demain Facebook Live à 18h. 7h56, on revient tout de suite sur Énergie. On va écouter Ariana Grande. Et attention, dans moins de 10 minutes, à 8h05, on appelle l'un ou l'une d'entre vous pour multiplier votre salaire par 10. Waouh. Wow. Attention, restez bien là, mettez de la batterie à votre portable. On revient tout de suite. Manu et les Ouais, on vous aime. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout, retenez la bien.

Le tirage au sort du gagnant va avoir lieu dans quelques secondes par notre huissier qui est à Paris. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs la voir. Est-ce qu'il nous entend ? Je vous entends, Manu. Cette voix apaisante. Maître Emery, huissier de justice devant l'Éternel. Vous nous manquez, on ne peut pas vous voir. On est en direct du Gros du Roi. Vous êtes à Paris. Exactement. Vous allez bien ? Tout va bien. Est-ce que vous allez faire le tirage au sort dans les secondes qui arrivent ? Exactement. J'adore quand vous parlez comme ça. J'ai l'impression qu'il se passe un truc entre nous. Je vous offre un verre. Avec plaisir. Vous voulez un drink ? Attention, dans 3 minutes, on vous appelle en direct. Maître Emery va faire le tirage au sort. C'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On commence avec la météo évidemment et ce grand soleil encore une fois sur l'ensemble du pays. Du grand ciel bleu pour tout le monde, au moins jusqu'à la fin du week-end. Les prévisions ne bougent pas. On aura quand même quelques gros orages en début de semaine prochaine en principe. Pour l'instant, les températures grimpent avec ce temps estival. De 15 à 21 degrés du nord au sud ce matin. Cet après-midi, il fera 26 à Lille, 30 à Laval, 34 au pied du Mont Ventoux. Une purge dans l'ICO du football. Il s'agit d'un match horrible, sans spectacle ni émotion. Eh bien, félicitations aux Bleus qui nous en ont offert une très belle hier pour clôturer la phase de poule de la Coupe du Monde. 0-0 face au Danemark, synonyme malgré tout de première place du groupe. Il faudra donc jouer l'Argentine de Lionel Messi en 8e de finale, un gros morceau. Rendez-vous samedi à 16h, samedi 16h pour ce France-Argentine. Quant à l'affiche du jour, elle oppose la Serbie au Brésil ce mercredi. La SNCF avec la mobilisation des cheminots, des perturbations sur le trafic jusqu'à vendredi matin. Pour aujourd'hui, on table sur 4 TGV sur 5, 3 TER et Intercités sur 5 en circulation jusqu'à ce soir. Parmi les syndicats qui souhaitent poursuivre le mouvement pendant les vacances, on a la CGT Sudrail qui appelle à faire grève les 6 et 7 juillet pour les premiers grands départs de l'été. À quelques exceptions près, les soldes débutent ce matin, en ce moment même dans toute la France, mais aussi sur Internet. 6 semaines de prix réduits, c'est tentant, même si les promos ont lieu un petit peu toute l'année. Désormais, près de 8 Français sur 10 devraient en profiter, selon un sondage. Le classement des villes les plus chères en France, la Fédération Nationale de l'Immobilier vient de dévoiler son palmarès des loyers. Et sans surprise, Paris arrive en tête avec 780€ par mois environ pour un studio. Nice est seconde autour de 500€, Lyon troisième un petit peu en dessous. L'offre de logements, notamment pour les petites surfaces, est plutôt abondante à Toulouse ou encore à Marseille, mais très rare évidemment dans la capitale. On pense fort à eux, les élèves de troisième s'apprêtent à vivre le premier grand examen de leur vie, un rite de passage. Les révisions du brevet touchent en fait à leur fin. Dernier jour pour réviser, pour potasser avant le début des épreuves demain matin avec le français. Ça fait froid dans le dos, les aliens de Predator préparent une invasion de la Terre qui cette fois pourrait bien nous faire très mal. Voilà en gros le pitch du quatrième film de la saga lancé il y a 30 ans, arrivé prévu au ciné le 17 octobre. La bande-annonce, elle, vient d'être dévoilée. Sinon, du côté des sorties du jour, on a un film énergie, Love, Simon, avec l'actrice qui joue Anna dans la série 13 Reasons Why, l'histoire d'un ado gay qui va vivre sa première grande histoire d'amour. Luan revient dans Les Affamés et une suite aussi, Sicario, avec Josh Brolin et Benicio Del Toro dans l'univers des trafiquants de drogue mexicains. Enfin, un enterrement de vie de garçon, Budapest avec Manu Payet et Jonathan Cohen. C'est une comédie. 8h05, fin de ce flash, bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Tout de suite, c'est Manu dans le 6-9 en direct du Gros du Roi, comme depuis le début de la semaine. Bonne journée. Chaque matin, il y a 300 places qui vous attendent. On est en direct du Gros du Roi. On est là, on est au Yacht Club du Gros du Roi. Ça sonne classe. Hein. So chic. C'est une magnifique salle dans laquelle on a installé un petit déjeuner. Venez manger et puis après vous pouvez partir, il n'y a pas de mal. Hein. On sera pas vexé pour ça. Vous pouvez vous inscrire sur manudans69.com si vous voulez assister à l'émission. On est tous les jours en direct jusqu'à la fin de la semaine. Ouais. Il nous reste demain et vendredi, ça passe vite. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Attention les amis. Maître Emery, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, Manu. J'adore votre voix, Maître Emery. Maître Emery, c'est notre huissier de justice. À chaque fois qu'on a besoin d'un huissier, on fait appel à Maître Emery. Ouais. À chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un pour sauver la planète, on fait appel à Superman. Ouais, c'est vrai. Mais Superman lui-même, quand il a besoin d'un huissier, fait appel à Maître Emery. Nous vous l'annonçons depuis plusieurs semaines maintenant, nous allons multiplier le salaire de l'un ou l'une d'entre vous, non pas par 2, mais par 10. Wow. C'est à l'occasion de la sortie du film Mission Impossible Fallout, c'est le nouveau de la série. Il sort le 1er août. Nous allons maintenant multiplier votre salaire par 10. Wow. Le salaire impossible. Maître Emery, notre huissier de justice, pendant les infos, vous avez tiré quelqu'un au sort. Exactement, Manu. Vous avez mis le nom dans une enveloppe. Exactement. J'ai devant les yeux une photo que Nico du Web a mise sur Facebook. C'est pas beau de se moquer. De Maître Emery en montrant l'enveloppe en mode je suis un rappeur. Il a pété les plombs. Il est stylé, Maître Emery. Je vous ai dit que c'était l'huissier de Superman. Wow. Là, yo, voici l'enveloppe. Ouais. Maître Emery, j'ai sur mon écran le numéro de téléphone que je vais composer maintenant. Attention, si vous vous êtes inscrit, energie.fr, malunion69.com ou sur l'application malunion69, c'est peut-être vous qu'on va appeler maintenant. Maître Emery, au grand huissier de justice, me donnez-vous l'autorisation d'appeler la personne que vous avez tirée au sort? Avec plaisir, Manu. Tu me chauffes, hein? Il me chauffe, Emery. Il a une voix sexy, hein? Ah, il est terrible. Attention, c'est parti. Ça met un peu de temps. Parce que c'est x10. Oh là là. Si ça sonne chez vous, c'est moi ou un pote, mais ça tombe vraiment mal, quoi. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, c'est Elisa? Allô? Oui, moi. On n'entend pas très très bien. C'est Elisa de Simandre en Saône-et-Loire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va? Oui, toi? Pas mal. Non. C'est bien Manu? Peut-être. Oh non. Non quoi? C'est énervé? Peut-être, attends. Je sais pas. Oh quoi? Comment? Je sais pas, qu'est-ce que... T'attends un coup de fil? Oui, un peu, ouais, quand même. Oh putain. Elisa? Oui? Quel est le seul animateur radio qui multiplie ton salaire par 10? Putain, c'est vrai, mais c'est rien dit. Elisa de Simandre en Saône-et-Loire. Écoute-moi bien. Mais si. Oh putain, je tremble de partout. Assieds-toi, respire tranquillement, Elisa. Sinon, on est obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Oh putain. Reste avec nous. Tous ces putains. Ouais. Ça en fait beaucoup. Ça hein fait beaucoup, ouais, ouais. Beaucoup de prostitution à ce moment. Elisa, écoute-moi bien. Tu as été tirée au sort. Ce n'est pas moi qui t'ai tirée au sort. C'est Maître Emery. Maître Emery, je vous présente Elisa. Elisa, je vous présente Maître Emery. Bonjour Elisa. Ah merci. Oh putain. C'est... Ah oui. En fait, elle appelle tout le monde putain. Ouais, elle a dit. Elisa. Écoute-moi bien, tu touches chaque mois 1887 €. C'est bien ça ton salaire? Oui. Je vais le multiplier par 10. Ouais. Grâce à Maître Emery, l'huissier de justice de Superman. Je vais multiplier ton salaire par 10. Tu vas toucher 18 870 €. Oh, je vais sortir en fait. 18 870 €, c'est toi qui as été sélectionné. Bravo à toi, Elisa. Oh, mais j'y croyais pas, quoi. Oh là là. Oh là là, comme tu... Tu fais quoi dans la vie, Elisa? Je suis aide-soignante. Eh ben, c'est un beau métier. Ah ouais. Ouais. Tu sais quoi, vous faites toujours grève parce que vous n'êtes pas assez payé, les aides-soignantes. Là, franchement, tu fais pas grève. Hein. Non, je fais pas grève. Oh là là. Wow. 18 870 €, bravo à toi Elisa. On va te laisser reprendre tes esprits tranquillement. Oh, j'ai le cœur qui me reste en l'air, au moins c'est pas possible. Avant de partir, tu nous fais un petit dernier putain ou c'est bon? Non, je vais éviter. Non, s'il y a des enfants qui coûtent chien, je suis désolée. Pardon pour les. Il n'y a pas de mal. Pardon. Oh non, bon. Merci. Me dis une fois merci. Oh, c'est punaise. Génial. Au bout de 5 minutes. 18 870 €, ça arrive très très vite pour toi. On t'a multiplié ton salaire par 10. On t'embrasse très très fort, Elisa. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Maître Emery, un mot pour Elisa? J'ai pas de voix, putain, peut-être. Non, c'est qui craque. C'est notre huissier. Elisa, bravo, toi, tu raccroches pas. On va prendre toutes les coordonnées, toutes les infos, tout ça. T'as été tiré au sort. C'est toi qui as ton salaire multiplié par 10, 18 870 euros. On t'embrasse très fort, Elisa. Merci encore, merci beaucoup. Gros bisous. 8h11. Merci, Manu, merci, Vicky, merci. On amène de l'oxygène à Elisa, s'il vous plaît. Et vite. Bravo à toi, Ariana Grande tout de suite sur Énergie. On est avec vous comme chaque matin. On démarre cette journée. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est trop bien. Ça fait plaisir. Maître Amri, merci beaucoup. Vous merci revenez Manu, dès que, merci à tous. Dès qu'on fait une opération. Avec plaisir. Salut beau gosse. Ah, il est parti. Ça c'est l'usicier là. Il a des gens, il a des meubles à les récupérer. Ça va très vite. Ariana Grande tout de suite sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Sean Paul, c'est Mad Love, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour, voici les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en France, en Dordogne. Un touriste bulgare a été arrêté pour avoir roulé à vélo sur l'autoroute. Ouais, aïe. Alors, c'est pas tout, parce qu'en plus, il était à contresens. Mais non. Alors, le mec a été arrêté, évidemment, et il a sorti cette excuse improbable. Je ne savais pas qu'il y avait un sens à vos routes et que l'autoroute était interdite au vélo. Ah ouais. Alors, je ne sais pas, mais si en Bulgarie, ils acceptent que des vélos roulent sur l'autoroute à contresens, ouais. Il faut pas aller là-bas. C'est le bordel, c'est dangereux. J'ai peur. Ça paraît pourtant évident quand tu roules et que t'as 200 voitures qui arrivent face à toi en klaxonnant. Eh ben, apparemment, non. En Bulgarie, c'est quand toi tu es seul contre tous que t'as raison. D'accord. En Russie, une femme qui doit 2800 euros aux impôts a eu une idée de génie pour ne pas les payer. Changer de sexe. Elle l'a fait et elle est devenue un homme. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché puisqu'elle vit toujours à la même adresse et qu'elle a toujours le même nom de famille. Du coup, elle doit toujours les 2800 euros aux impôts. Et petite précision, le changement de sexe lui a coûté plus que la somme qu'elle devait aux impôts. Ah, rien ne va. C'est le concept des concours de l'impôt. Un petit dernier dans le Doubs, un homme s'est jeté dans la rivière pour sauver sa copine de la noyade. Ah bon. Ça c'est bien, c'est beau, c'est un héros. Sauf qu'en fait, le mec était totalement bourré et que sa copine n'était pas du tout en train de se noyer. Elle était sur la berge avec lui quand le mec a plongé tout seul. Oh, mais... Ah ouais. Voilà, alors ce n'est pas Sam, hein. Si vous voulez quelqu'un pour vous ramener, ce n'est pas lui. Allez, 8h16, on revient tout de suite sur Énergie avec Sean Paul. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Chacun parle sa propre langue. Très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Le ton monte, on descend la pente. Parfois je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées. Une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posés comme des Legos. Je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Soufflant rafale, le temps idéal, c'est quand on se met à l'abri pour mater les étoiles. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Quand je chante le générique de la Casa des Papel, je ne pense qu'à une personne. C'est toi, Manu. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh. Alors attention, on n'est pas prêt de ne plus entendre le générique de la Casa des Papel chanté par Cécilia Krull, parce que les producteurs de la série ont dit qu'il y aurait non seulement une saison 3, mais aussi une saison 4. Wow. C'est pas possible. Deux saisons en plus de la Casa des Papel. C'est pas comme ça qu'on va se remettre à bosser, nous. Non. Mais alors je vais dire un truc que j'avais pas prévu. Donc ça va. 8h20, il faut qu'on prenne au téléphone dans un instant Gérard. Gérard a un énorme problème. Ouais. Gérard cherche un cadeau pour sa femme. Gérard, t'es là? Gérard, je suis là, il est là, Gérard. Salut Manu, salut toute l'équipe. Gérard, dans un instant, nous allons te prendre au téléphone. Tu as un problème, ça fait 20 ans que t'es marié avec ta femme, c'est ça? Exactement, ouais. Et c'est ça ton problème? Non, c'est pas ça. Non, tu cherches une idée de cadeau, c'est ça? Exactement, en fait, les 20 ans de mariage avec ma femme, donc à la fin de la semaine. Et le problème, c'est que j'ai pas d'idée cadeau, sachant qu'elle aime le jardinage et les chaussures. Ah, c'est, déjà. C'est un nouveau jeu, c'est le jeu à handicap. Ne bouge pas Gérard, on s'écoute Jean-Paul et juste après, les chevaliers de l'amour vont te trouver une idée de cadeau. Peut-être. Jardinage et chaussures. Ouais. On a l'impression de jouer à Motus, là. Juste après, Sean Paul sur NRJ. Bon réveil. Some of that loving on your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when your finger jump up. In girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, say you never yet flop. I know I see, but me want for your attack. My eye, the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, it's going so hard. Girl, you like some pepper, gonna spend it into a bar. Sur Énergie, il est 8h24, on est toute cette semaine en direct du Gros du Roi, on est là en public, vous pouvez venir nous voir, vous vous inscrivez sur manu69.com. On a encore deux émissions après celle-là, jeudi et vendredi, on a plus de 300 places chaque jour pour vous, n'hésitez pas à venir. Il y a Clean Bandit, le nouveau qui arrive, c'est avec Demi Lovato, ça s'appelle Solo, ça arrive pour vous juste après les infos. Mais avant ça, attention, Gérard a un problème, outre son prénom. Gérard, c'est sympa. C'est sympa, Gérard. Les prénoms. Alors, c'est vrai que Gérard, c'est sympa. Gérard est toujours sympa. Ouais, les Gérards sont cool. Alors, ça, c'est vrai. Il y a... Toujours dans une société, Gérard, il est sympa. Ouais, c'est il est cool. Il prend le café. Il propose l'apéro. Tu veux dire que tous les Gérards sont alcooliques? Mais non. Mais t'es pas loin de la vérité. Gérard, tu nous as appelé ce matin, non pas pour nous parler de tes problèmes d'alcoolisme, mais parce que ça fait 20 ans, Gérard, mais tous les Gérards sont mariés depuis longtemps. Hein. Ouais. Ça fait 20 ans que Gérard est marié avec sa femme. Elle s'appelle comment, ta femme? Cécile. Cécile. Et tu veux offrir un beau cadeau pour les 20 ans de mariage avec ta femme. Exactement. Elle adore, tu nous as dit. Alors elle adore le jardinage. Mmh. Elle adore le jardinage et puis elle adore les chaussures. Alors il y a un deal, je sais pas du tout, ou un mix des deux, ou je sais pas. Okay. Une idée de cadeau pour 20 ans de mariage, jardinage et chaussures. Tel est notre défi ce matin. S'il y a des gens dans le public qui ont des idées, vous pouvez lever la main. Glandu, une idée? Bah oui. Elle adore le jardinage et les chaussures. Tu vas voir un paysagiste et tu lui offres un buisson en forme de chaussure. Ah oui, c'est pas mal. Bah si, tu allies ces deux passions. 20 ans de mariage, un jour de divorce. Ces deux passions réunies. Nico, on est obligé d'avoir les deux passions ou pas? Ou les chaussures? Ah bah, jardinage et chaussures, oui. Oui, allez. Ah oui, non, mais attends. Si. Alors ? Non, bah moi je voulais que tu l'invites dans un très bon resto et que tu lui fasses un bon pour la paire de chaussures de tes rêves. Ah. Parce que ça, elle peut aimer. Ah, après, oui, alors, resto, c'est prévu, mais. Tu lui glisses un sécateur à la limite. Ouais, voilà. Comment on fait pour la bague de mariage dans le champagne ? Là, tu mets un sécateur dedans. Ah oui, carrément. C'est une bonne idée. Il y a des idées dans le public, Paulette ? T'as une idée, toi ou... Oui, moi j'allais dire l'emmener dans un endroit dansant et là, pour le slow, bam, il lui sort des chaussures, mais il n'y a pas le jardinage. Du coup. Oh là là, il l'emmène dans une serre dansée et il sort les chaussures. Dans une serre, mais qu'est-ce que tu racontes ? Dans un potager, bien sûr. Ouais. Il danse beaucoup. Les danses du potager. Ouais. Gérard, il regrette déjà de nous avoir appelés. Nous avons des idées. Bonjour. Alors attends, écoute bien, parce que dans le public, il y a des idées aussi. C'est quoi ton idée ? Mon idée, ce serait plutôt de mettre un géranium à l'intérieur d'un escarpin et de lui offrir. Ah, d'accord. Donc, le géranium va mourir et l'escarpin, tu ne pourras plus l'utiliser. Ah ouais. C'est ça. Ça, c'est pas mal. D'accord. 20 ans de mariage. Non, mais l'idée est bonne. Nous avons un enfant qui a une idée. Ah, ah ouais. Alors, tu t'appelles comment ? Hugo. Hugo, t'as quel âge ? 7 ans et demi. Tu te rends compte, 20 ans de mariage ? Oui. Tu penses que tu le feras un jour ? Non. Ah non. C'est vrai. Eh ouais, en 2018, les amis. Il est désabusé, quoi. Au déjà. Hugo, est-ce que tu as une proposition pour Gérard ? Il a 20 ans de mariage, jardinage et chaussures. Des grosses chaussures pour la dame. Des grosses chaussures pour la dame ? Ah. Des sabots. Ah, des sabots. Ah, des sabots. Ah, oui, j'avais pas pensé à ça, Hugo, c'est vrai. Et sabots, ça sert pour le jardinage. Ouais, c'est nickel. Exactement. Hein. C'est malin. C'est malin. Mmh. Bravo Hugo. Ouais. Oublie pas, hein, pas 20 ans de mariage. Hein. Non. D'accord. Quelqu'un a des idées ? Vous avez des idées dans le public ? Oui, non, oui. Ah, j'arrive. Attention, on est en train de t'aider, Gérard. Hein. On fait tout ça pour toi. Ah, hein. Merci du soutien. Il y a une fille qui a une idée pour toi. Bonjour. Bonjour. Il peut mettre une paire de Louboutins et il glisse des graines de tomates ou quelque chose comme ça dedans. Bien sûr. Les Louboutins qui coûtent donc des milliers d'euros. Alors, on n'a pas parlé du budget, je crois. On va mettre des graines de tomates dedans. Allez. Vraiment, tu voudrais recevoir ça comme cadeau ? Non, mais les graines pour qu'elle les plante après, quoi. Il ne fait pas pousser dans la chaussure. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Donc, ouais. tu vas casser ton plan épargne-logement. Exactement, c'est ça. Ah, on a une autre idée ici. Un autre enfant. Décidément, les enfants ont beaucoup d'idées pour les mariages. Génial. Tant mieux. Tu t'appelles comment ? Amine. Amine, quelle est l'idée ? Pense à Gérard. Tu trouves ça rigolo comme prénom, Gérard ? C'est quoi ? Ça serait des bottes, parce qu'on peut faire du jardinage avec et c'est des chaussures. Ah, c'est malin. Des bottes ? Oui, des bottes. Mais des bottes, genre les bottes de pluie ou des bottes pour sortir ? Non, les bottes, les grosses bottes. Ah ouais. Des grosses bottes. Okay. Ok, Gérard, ça te dit des grosses bottes pour ta femme ? Allez, on y va. 20 ans de mariage pour avoir des grosses bottes, quoi. Ça valait le coup. Amine a une idée. Au moins, lui, il essaie de faire avancer les choses. Nous avançons tranquillement pour toi, Gérard. Une autre idée ici. Je pourrais lui offrir des chaussures avec des fleurs. Réunit les deux passions. Oh. Ah, pas con. C'est peut-être le plus classe. Hein. Des chaussures à fleurs. Ouais, c'est le plus classe. Ok. Des chaussures à fleurs. Ouais, exactement. D'accord. Okay. Tu vas chez Kiloutou, ils ont ça, tu te démerdes. Oui. Gérard, écoute, on t'a donné plein d'idées là, je pense. Hein. Je vous en remercie. J'en retiens quelques-unes quand même. Bah oui. Honnêtement, mon conseil, n'en prend pas une de tout ce que j'ai présenté. Non, déjà. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Gérard. Merci à vous. Et tu sais quoi, on se rappelle à la rentrée, tu nous dis si t'es toujours marié avec ça. Bah, avec plaisir. Merci en tout cas. Belle journée salut, à toi, Gérard. 8h29, on va revenir tout de suite sur Énergie. On est très en retard, mais c'est pas grave. On va s'écouter Dadju, il y aura aussi le dernier Clean Bandit. Et puis les sondages du matin arrivent aussi. C'est dans une petite dizaine de minutes. Bougez pas, c'est Manu dans le 6-9. On revient tout de suite. Good morning, les ouin-ouins. Manu dans le 6-9. Énergie. Les plus gros hits à la maison. Baby, you look high. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only.

Salut Manu, bonjour à tous. RS dans le ciel, toujours du grand bleu, du soleil sur l'ensemble de la France. Pas de complications prévues avant la semaine prochaine et l'arrivée des orages. On peut encore profiter de ce temps estival au moins jusqu'à la fin du week-end. Les températures grimpent encore de 15 à 22 du nord au sud en ce moment. Cet après-midi, il fera 27 degrés à Brest et à Metz. Comptez 28 à Dijon, 29 à Toulon et 30 même pour Albi. Mission accomplie pour les Bleus. Ils ont fini premier de leur poule après le nul 0-0 hier face au Danemark en Coupe du Monde. Un match soporifique, sans intensité ni émotion. Un calvaire en quelque sorte. Il va sans doute falloir faire mieux samedi à partir de 16h en 8e de finale. La France retrouvera l'Argentine de Lionel Messi qui s'est qualifié dans les dernières minutes hier grâce à sa victoire 2-1 contre le Nigeria. Au programme aujourd'hui notamment, un Brésil-Serbie avec Neymar, ça promet. Des perturbations à la SNCF aujourd'hui et demain. Le dernier épisode de la grève perlite des cheminots, c'est le 18e déjà en 3 mois. 4 TGV sur 5, 3 TER et Intercité sur 5 en circulation en ce moment. Deux des principaux syndicats appellent à la grève pour le premier grand week-end de départ des vacances la semaine prochaine, les 6 et 7 juillet. C'est parti pour 6 semaines de prix réduits. Les soldes ont débuté il y a une demi-heure dans toute la France ou presque. C'est le cas aussi sur Internet. Un acheteur sur deux a prévu de se rendre dans un magasin traditionnel cette année selon un sondage. Vers un service universel obligatoire d'un mois à l'âge de 16 ans, le gouvernement devrait donner sa position aujourd'hui sur la mesure promise par le candidat Macron. C'était pendant sa campagne. Une grande consultation sera lancée également auprès de la jeunesse française dès le début de l'automne. Sa performance a bouleversé les fans de 13 Reasons Why. Catherine Langford, alias Anna, dans la série, est à l'affiche de Love, Simon, signée aujourd'hui avec énergie. Dans cette comédie dramatique, elle incarne la meilleure amie de Simon, un ado américain qui décide de faire son coming out. Une véritable épreuve qui se transforme en une grande aventure drôle et poétique. L'actrice australienne n'a pas hésité une seule seconde au moment de dire oui pour ce film plein de bonnes ondes. C'est un sujet rarement abordé au ciné, la difficulté qu'ont les ados à grandir après leur coming out. La communauté gay n'est pas très représentée dans les médias traditionnels. Du coup, on n'en connaît pas grand-chose et on a peur d'y croiser des gens bizarres, pas comme nous. Il faut énormément de courage à un adolescent pour affirmer sa différence. J'espère que ce film aidera à faire comprendre qu'il n'y a rien d'anormal, que ce n'est pas un problème, c'est naturel. Ouais, interview signée Bertrand L'Aiguillon, à découvrir également aujourd'hui au cinéma, en plus donc de Love, Simon avec énergie, le film Les Affamés, le retour de Louane sur grand écran en jeune adulte rebelle. 8h38, on est très en retard, c'est peut-être un record ce matin. Bon réveil, bonne matinée avec Manu dans le 6-9 sur énergie en direct du Gros du Roi. Bonne journée. Et toute cette dernière semaine d'émission, on la passe au Gros du Roi, on est en public, Manu dans le 69.com pour vous inscrire. On fait plein de choses ici, dans le barbecue géant qu'on vous annonce depuis le début de la semaine. Ah, trop bien. C'est aujourd'hui à 12h30, barbecue géant, c'est avec Saut Magique. Ouais. Ça va se passer dans les arènes du Gros du Roi. Ouais. Nous serons là, au milieu des arènes. On va faire un Facebook Live, évidemment, on en fera même un ou deux parce qu'il y a des jeux gonflables. Oh, ouais, trop bien. On va se lancer des défis dans les jeux gonflables. Ouais. Si ça va être drôle, vous voulez nous voir, nous prendre des trucs dans la tête, et ben ce sera tout à l'heure. Mais oui, il y a la faucheuse là, il y a des trucs qui tournent. Il faut l'éviter, sinon tu te fais faucher et paf dans la tête. Oh, c'est drôle, bien. Ça, c'est ouais, très drôle, d'aller voir. Ouais. Non, c'est mal expliqué, mais c'est très drôle. Là, ça me fait très peur, surtout. Mais bon, pourquoi pas. Manu dans le 69.com pour vous inscrire pour ce barbecue géant. Et puis, sur notre page Facebook, les amis, comme chaque jour, la vidéo de Glandu qui vous permet de repartir avec des bons d'achat de 100 euros sur déguise-toi.fr. Ouais. Tous les jours, Glandu se déguise et tous les jours, on poste la vidéo sur notre page Facebook. Ouais. Aujourd'hui, Glandu s'est déguisé. Attention. En Aladdin. Ouais, c'est un conte de fées. Elle est magnifique. Sur un tapis volant. Glandu n'est pas seul. Il est déguisé en Aladdin et il a sa Jasmine avec lui. Ouais, derrière. Elle est Paulette. Sur le tapis volant. Des effets incroyables. Ouais, ah, bah vraiment. Oui, il a envolé. Des effets spéciaux surprenants. Ouais. Aladdin et Jasmine sur le tapis magique. Et puis je sais maintenant qu'il ne faut pas que je me teigne en brune. Ça ne me va vraiment pas. Tu ressembles à Louis XIV. Mais... C'est très joli. Allez voir la vidéo. Elle est sur notre page Facebook. C'est tous les jours Glandu et son déguisement. Il nous a déjà fait Superman, la Casa des Papels. Ah non, il y a du budget. Hein. Ouais, on est pas mal. Et pendant que nous, on prépare l'émission du lendemain, lui, il fait ça. Voilà. Ouais, j'adore. 8h40, les sondages du matin, les amis, arrivent dans 3 minutes. Juste après le nouveau Clean Bandit, c'est avec Demi Lovato. Ça s'appelle Solo, c'est peut-être un des gros hits de cet été. Bienvenue sur Energy. so long. Énergie, il est 8h43, on va s'écouter Dadju avec Django et d'ailleurs Dadju qui était avec nous hier, si vous avez envie de revoir la version acoustique de Django avec Nico Duweb à la guitare, ouais. Et ben vous pouvez aller sur manudans69.com ou sur notre page Facebook, facebook.com/manudans69. Tout de suite, voici avant Dadju les sondages du matin. Yes. Ça se passe 6100 fois chaque seconde sur Terre. Chaque seconde sur la Terre, il se passe ça 6100 fois. Glandu. Un éternuement. C'est pas un éternuement, non. C'est un truc produit par l'homme ou pas? C'est oui, c'est l'homme qui le fait. D'accord. Ce sont des humains qui le font. Ok. Parce qu'il ne faut pas être seul pour le faire. Oh. Des achats, une transaction. Bonjour madame. J'aimerais cette pomme. Alors non. D'accord. Non, ce n'est pas ça. C'est un truc positif ou négatif? C'est positif. Ouais. Ouais. Paulette. Ah bah j'allais dire un couple qui divorce, mais ça peut être positif dans un sens. Oui, bien rattrapé. Ouais, mais ouais. C'est pas ça. Mais ça a un rapport avec le couple. Ah. On le fait en couple. Ah. Oh. Et oui. L'amour. C'est génial. Ah ouais. 6100 fois chaque seconde sur Terre, un rapport sexuel. Oh, beaucoup. Hein, c'est énorme. Ouais. Chaque seconde, il y a 6100 rapports sexuels. Donc là, maintenant, là. Là, à chaque fois, là, tac, tac, tac. Là, ça fait rêver. Wow. Je fais l'amour, c'est fini. Chacun son timing. À toi, c'est une seconde, d'accord. Allez, c'est rapide. 6100 fois chaque seconde. C'est voilà. Énorme, c'est trop bien. Eh ben oui, c'est trop bien. Les parasols à la piscine sont la cause de 12% de ça. Ça, c'est quoi? Glandu. Des accidents? Non, c'est pas des accidents. C'est un truc qui se passe sous le parasol ou c'est quand il est planté, quoi? Oui, pas dans quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Les parasols à la piscine sont la cause de 12% de ça. Ok. De ça, de quoi? Des coups de soleil. Non, c'est pas les coups de soleil. Est-ce qu'on se fait mal avec le parasol? Tu peux utiliser le parasol ensuite pour faire mal. Oula. Mais. Quoi pour frapper quelqu'un? En fait, c'est quasiment la réponse. Ouais. Le ça, c'est des bagarres. Ah ouais. Les parasols à la piscine sont la cause de 12% des bagarres qui ont lieu dans les piscines. Mais oui. Mais oui, parce que tout t'as ça. Mais t'as 25 transats et putain, ils ont acheté 2 parasols. Ouais, c'est vrai. Cool, ouais. Non, mais c'est un truc quand même. Les gens se battent. Mais ouais. C'est pas normal. En plus, t'as le soleil qui tourne, donc tu vas à chaque fois être à l'ombre. Oui, donc du coup, faut être entouré de parasols. Oui, c'est vrai. Il faudrait avoir 15 parasols pour un transat. Et là, on a un bon chiffre. Voilà. Mais c'est pas une raison pour se battre, ok? Comme toi, c'est pas une raison pour se battre. Viens essayer de me choper mon parasol, tu vas voir. Dans l'amour et le respect de l'autre. Ouais, ouais. Un petit dernier. 8 personnes sur 10 disent le faire régulièrement au restaurant. Ah. Alors, c'est pas manger, hein, sinon il n'y a aucun intérêt à faire oui. Ce sondage. Ouais. Dire qu'ils ont oublié leur carte bleue. Non, c'est pas ça. Dire que c'est pas bon au serveur. Non. Non. Oh, c'est pas bien ça. Ah, bah, avoir envie du plat de l'autre. Non. Ah, moi, je regrette toujours. C'est beau, on dirait les paroles d'une chanson. Avoir envie du plat de l'autre. Oh là. Et lui prendre quelques frites. Glandu. Choisir le vin au hasard. Non, 8 personnes sur 10, quasiment tout le monde, hein, disent le faire régulièrement au restaurant. Ça n'a rien à voir avec la bouffe. Ah. C'est un truc qui se passe à ta table ou pas? Non, justement, ça se passe pas à ta table. Ah. Regardez le plat des voisins. Non, c'est espionner et écouter les conversations des tables d'à côté. Ah, évidemment. Ah, ouais. Ah bah oui, t'adores. Ah oui. Ah, c'est ah ouais. C'est bon, surtout quand un couple s'engueule. C'est pas mal, j'adore. Ça. Mais ouais. C'est vrai que c'est... un peu l'oreille et tu sais, t'as envie de dire, il a raison, quoi. C'est ça. Désolé, ou, les ou les potins et tout. Ah, mais oui, t'as deux nanas qui discutent là. Ouais, ouais. Oh, ça c'est cool. C'est ouais. Génial, ouais. Voilà, on va au restaurant que pour ça. Vous avez choisi? Non, on écoute. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. On va s'écouter Dadju, les amis. C'est le dernier. Ça s'appelle Django. Et juste après, elle est où, Marlène? Marlène, elle est là. C'est toi qui voulais devenir bonne sœur. Incroyable. C'est génial. Marlène est l'une des gagnantes de notre semaine de vacances avec nous. Vous avez été très nombreux à gagner une semaine de vacances avec nous. Et il y a Marlène. Et Marlène voulait être bonne sœur. Ah ouais. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose. Ah ouais. Et depuis. Bah oui. Elle est avec nous, là. Depuis, elle a, un jour, elle a mis la radio. Ouais. Et depuis, c'est le drame. Tu vas nous raconter ça juste après Dadju sur Énergie. C'est mercredi, on est le 27 juin, 8h47, c'est Énergie que vous avez choisi. C'est Malu dans le 6-9 avec vous, comme chaque jour. Veux-tu boire de mon nom de famille? Mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je brisais les chaînes comme Django, Django. Toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Laisse-moi le calmer. Il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir. Il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. S'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je faisais les chaînes comme Django, Django. Il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place. J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on poussera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. À ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit. Il est jamais content. S'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Les chaînes comme Django, Django. C'est les chaînes comme Django, Django. Yeah. C'est les chaînes comme Django, Django. Yeah. Oh. Bienvenue sur Énergie, il est 8h50. Comme chaque matin, on est là avec vous pour démarrer cette journée. Et comme tous les matins de cette semaine, nous sommes en direct du Gros du Roi. On est en public. Si vous voulez venir nous voir, vous vous inscrivez sur malu69.com, n'hésitez pas. Il y a encore de la place pour demain et vendredi, plus de 300 places pour vous. Et on vous offre le petit déj. Eh ouais, ouais. Ouais, parce qu'on vous achète. Mm-hmm. On va s'écouter Marshmello et Anne-Marie, c'est Friends, ça arrive pour vous. Mais attention, on vous a offert une semaine de vacances. Avant de partir, on vous a dit, eh ben, on vous emmène avec nous. À chaque fois qu'on part comme ça, on vous emmène avec nous. Ouais. Marlène est l'une des gagnantes. Alors d'abord, bonjour. Bonjour. Tout se passe bien jusqu'à maintenant? Nickel. Ok, t'es venu avec tes amis, tu as rencontré les autres gagnants. C'est ça. Il y a eu des... On va des soirées ensemble. Ça ouais. Commence un peu à se... À se quoi? À se découvrir. Et voilà. Bon, Marlène a un truc de dingue. Marlène a voulu pendant très longtemps devenir bonne sœur. Oui. C'est ouf. C'est génial. C'est mais dingue. Tu sais, tu es la première. Alors j'en ai vu. Je pense, ouais. J'en ai croisé les bonnes sœurs. Oui. Mais j'ai jamais croisé deux. J'ai failli être bonne sœur. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le trajet? C'était déjà quand tu étais petite? Oui, en fait, c'était quand j'étais au CM2. J'étais dans une école privée, donc un peu catholique. Il y avait un couvent juste à côté. Et en fait, ma maîtresse de CM2 était une bonne sœur. Et en fait, attends, une seconde. Oh non, laisse-la. Oh, t'as tout, quoi. Tu peux continuer. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou à Sœur Simone si elle est encore parmi nous. Ah, oula. Je sais pas. Oh. Sœur Simone. Alors, Sœur Simone est certainement encore parmi nous et Sœur Simone nous écoute tous les matins. Voilà. Bon, ben, gros bisous, Sœur Simone. Et ben, on embrasse très fort Sœur Simone. Ouais. Alors, donc, tu étais avec Sœur Simone. Voilà, c'était ma maîtresse. Et en fait, on avait catéchisme deux fois dans la semaine. Et les week-ends, et ben, on allait visiter des couvents. Et je faisais que de me dire, mais c'est trop bien, on n'est qu'entre filles, on est toutes habillées pareil, pas de jalousie. Ça, t'aimais bien, parce qu'il n'y avait pas le wifi quand même. Ouais. Oh la vache. Mais du coup, je me suis dit, ouais, j'aimerais trop. Du coup, je me suis vraiment impliquée, donc j'ai acheté la Bible, elle s'appelait Ta parole est un trésor, j'ai lu les évangiles selon Marc, Matthieu, Jean. Mais parce que t'avais, découvert de la foi ou c'était juste parce que tu trouvais le couvent sympathique et qu'il y avait de l'écho quand on parlait? Ben, tout en fait, le lieu. Ouais. Les tenues, tu aimais bien? Les tenues des bonnes sœurs? Ouais, je me suis dit, au moins, on est toutes pareilles. Il n'y a pas de jalousie. À l'égalité, quoi. Alors, ouais, voilà. Ça, pour le coup, les fringues, il n'y a pas de jalousie. Oh, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ça, après, je voulais même aller faire... Je suis allée à Lourdes plusieurs fois et je voulais faire le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais bon, vu que j'avais 10 ans... Après, et puis marcher en sandales, les bandes. Alors, peut-être que tu peux nous éclairer. D'ailleurs, pourquoi les sandales? Alors là, par contre, je sais pas. Ah, je pense qu'on est bien, enfin, on est à l'aise. Ouais, il y a pire, il y a les crocs. Là, vraiment, là, j'aurais. Ouais. Non, les crocs, là, c'était un peu tout. Dieu n'a pas voulu ça. Il a dit non. Alors, c'est le diable, les crocs, on vous rappelle. Hein, c'est pas Dieu du tout. Hein. Et donc, tu voulais être bonne sœur, et jusqu'à quel âge? Ben, franchement, ça a duré toute l'année de CM2. Bon, après, on va dire, arrivé au collège, 6e, je pense que. Voilà. La mixité, le fait d'être avec d'autres personnes. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, en fait. Au moins un an sûr. Après, je sais pas si ça avait commencé avant. Mais au moins toute l'année de CM2 pendant que j'étais avec cette maîtresse. Quoi. Ah oui. Wow. Oh d'accord. Ouais. Et puis après. Mais chez moi, j'avais même fait un lieu. Enfin, oui, c'est vrai en plus. Un lieu où j'avais mis genre la Vierge Marie, une petite statuette, la petite croix. J'avais mon chapelet tous les soirs. Il fallait que je faisais toutes les boules du chapelet là où il fallait faire la prière et tout. Enfin, j'étais à fond. T'étais à donf. Ouais. Ah, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, tiens, en fait, dans les couvents, il fait trop froid? En fait, je sais pas si, enfin, je pense qu'en grandissant, arrivé au collège, enfin voilà, ça m'a fait changer de bord. Bon, maintenant, mes copines pourront confirmer. Ça fait longtemps que je suis célibataire, donc je préfère le rester, quoi. Ah, ok, d'accord. Tu préfères rester quoi, célibataire? Ouais, enfin, profiter de la vie, quoi. Je me dis que les bonnes sœurs ne peuvent pas faire ça. Non, les garçons, quoi. Alors, effectivement, du coup, on se dit que tu as fait le bon choix, parce que non, les bonnes sœurs ne peuvent pas aller s'éclater à boire des mojitos à la plage. C'est ça. Effectivement. Mais je me demande si tu peux pas devenir bonne sœur après avoir profité, devenir bonne sœur plus tard. Je sais pas. Non, t'as pas le droit? Je sais pas. Sinon, ce serait. Pas trop tard. Ce serait un peu tricher. Oui, ouais, voilà. Exactement. Ouais. Mais enfin, bon, on triche tous. Après, tu es célibataire, mais tu cherches l'amour, tu cherches. Ben oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien le trouver. Mais bon, je suis un peu compliqué. En tout cas, ce que tu nous as raconté, non, t'es pas compliqué. C'est normal. Alors, vous voulez un autre truc sur Malène? Vas-y. Il n'a rien à voir. Hein. D'accord. Ouais. Il paraît que tu imites très bien Maître Gims. Oui. C'est pas vrai. Mais ne vous enflammez pas trop, c'est juste sur deux mots en fait. Hein. Ah, trop cool. Alors, avant que tu les fasses, en imitateur de deux mots, on est bon aussi avec Nico qui sait faire Jean-Pierre Foucault sur deux mots. Ouais, trop bien, moi je suis très bon. Vas-y. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah ouais. Le gars est là. Hein. Sur deux mots, on a aussi Glandu qui sait faire Homer Simpson. Ah ouais. And the nuts. Voilà. Ouais. Sur deux mots, on a Paulette qui sait rien faire. Oui, c'est ça. Sur deux mots, tu sais faire Maître Gims? Ouais. Attention, Marlène. Mais est-ce qu'on peut mettre genre le... Parce que c'est sur la musique de d'Adjou, là, par donc, et non, tu vas pas commencer, oui. Non, mais parce que j'ai peur que ça fasse pas très bien, parce que je le fais tout le temps avec la musique derrière. Et bien, comme ça, tu vas te rendre compte que peut-être, même sur deux mots, tu le tiens pas. Attention, Marlène, ancienne bonne sœur, va maintenant réaliser une imitation de Maître Gims en deux mots. Un, deux, trois. Par amour. Ah ouais. Non, ouais. Mais ouais, ça va. Sans la musique derrière. Ah, oui, par amour. Ah, ouais, elle est fan, ouais. Non, ça allait trop vite, faut le refaire. Ouais. Attention. Il va mettre la musique ou pas? Attends, je vais dire Maître Gims bonjour et tu vas dire par amour, ok? Maître Gims, bonjour. Par amour. C'est génial. Ah ouais. Wow. Maître Gims, qu'est-ce que tu veux boire comme verre? Par amour. Ah ouais. C'est incroyable. C'est impressionnant. Vous pouvez applaudir Marlène qui est avec nous cette semaine. Ouais, bravo. Ah ouais. Oh, on pourrait vraiment presque faire croire qu'on a Maître Gims en invité. Et Maître Gims est avec nous ce matin. Par amour. C'est génial. 8h56, on revient tout de suite sur Énergie. Manu. Manu et les wa. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons d'achat chez Discount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout retenez la pire. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super, super grand écran. Bah, dans celle de ma mère aussi. Et même qu'elle reçoit des messages dessus. Bah moi, mon père, il tape les messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, le téléphone multiplie les risques d'accident. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Sansa.com. Hello, mon amour, my love, my princess. I saw dans un taxi because I viens d'atterrir from New York. J'arrive tout de suite. Ah, oh, Brian, quel dommage, on se croise. Je suis en train de décoller pour les soldes Sarenza. Jusqu'à moins 60% sur plus de 600 marques de chaussures hommes, femmes et enfants. À dans 6 semaines. Bye. Allô. C'est parti pour des soldes Sarenza torrides. Et jusqu'à demain, 11h, moins 10% supplémentaire dès 80 euros d'achat. Voir conditions sur le site. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Bonjour Michel et bienvenue chez Carrefour Market. Mmh, ça sent bon le café par ici. Ah oui, et je sais que vous aimez le bon café, Michel. Si j'aime ça, mais c'est mon péché mignon. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Jusqu'au 1er juillet, chez Carrefour Market, le troisième lot de café moulu familial grand-mère est gratuit. Ah, oh, alors un petit expresso. Vous en voulez un aussi? Bien sûr. Ah bah sans sucre alors. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le lot de 4 paquets de 250 grammes. Magasin participant sur carrefour.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Tous les podcasts d'Énergie. Énergie et Music Only. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil? Pendant l'opération Fans de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Être ou ne pas être chez Orange et profiter de bons plans. Moi, chez Orange, j'ai trouvé le Samsung Galaxy S7 à seulement 249,90 €. Très bien. Mais moi, chez Orange, mon Galaxy S7, il est débloqué. Et comment t'as fait? Tu l'as emmené chez le kiné? Chez Orange, le Samsung Galaxy S7 est à seulement 249,90 € au lieu de 429,90 €. Sans forfait et sans engagement. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soit une baisse à 319,90 € moins 70 € remboursés par Samsung sur demande. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 11 juillet. Détails en boutique et sur orange.fr. Babou, Babou. Jusqu'à moins 70% chez Babou. Eh oui, le champion des soldes, c'est Babou. Moins 30, moins 50, moins 70% dès la première des marques. Énorme. Jusqu'à moins 70% sur la mode et moins 50% sur la maison. Soldes monstre pour toute la famille chez Babou. Babou, Babou. Selon date légale affichée en magasin et sur article signalé. Marinade parfumée cherche petit poulpe pour atteindre un pic de gourmandise. Justement, chez Grand Frais, les poulpes au pesto vert sont à seulement 2,95 € le pot de 120 grammes. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 30 juin, 24,58 € le kilo, mariné au persil et au basilic, élaboré en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Psst, chérie, regarde le prix. C'est pas possible. Chut, oui, j'ai vu. Et voilà votre carte, monsieur. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Hein. Au revoir. Va à la voiture, je prends le chariot. Vite, fonce! Et